Tom réussit si bien à convaincre Huck qu'ils partent l'après-midi même, équipés de pelles et de pioches. Arrivés en bas de la colline, ils aperçoivent enfin la maison hantée du village. Elle n'a pas de clôture, elle est entourée de mauvaises herbes, et ses fenêtres n'ont plus un seul carreau. Tout paraît si abandonné que les deux garçons poussent la porte, le cœur battant. Sans faire le moindre bruit, ils posent leurs pelles et leurs pioches dans un coin et gravissent l'escalier. Tout à coup, Tom entend un drôle de bruit. Chut ! Blanc comme un linge, Huck lui murmure. Que se passe-t-il ? Tais-toi donc ! Écoute ! Tu entends ? Huck propose immédiatement. Fichons le camp d'ici ! Chut ! Ne bouge pas ! On vient par ici ! À peine Tom a-t-il terminé sa phrase, que deux hommes pénètrent dans la maison hantée. L'un d'eux est appelé l'Espagnol, et les deux garçons l'ont vu plusieurs fois traîner au village. Hélas, de leur cachette, ils n'arrivent pas à distinguer l'autre intrus. Mais quand ils se mettent à parler, Tom le reconnaît tout de suite. Il chuchote à son ami. C'est Joe l'Indien. À présent, on décampe et en vitesse. Non, il risquerait de nous entendre. Les deux malfrats viennent de voler de l'argent. Et ils sont en train de se partager le butin sous les yeux ébahis de Tom et de Huck. Soudain, alors que Joe l'Indien enlève une pierre de la cheminée pour y placer son magot, sa lame de couteau heurte quelque chose de dur. Il dit à son complice. Hé, l'Espagnol, je viens de donner un coup de main. Je crois que j'ai trouvé un coffret. Oui, c'est ça. Regarde. De l'argent. Les deux hommes contemplent les pièces, ébahis. De vraies pièces d'or. Les yeux brillants, Joe s'exclame. Dis donc, il doit y avoir plusieurs milliers de dollars là-dedans. À nous, la belle vie. Hé, cachons vite notre fortune. Observant tout de l'étage, Tom et Huck sont fous de joie. Une fois les brigands partis, ils prendront le trésor. Mais leur bonheur est de courte durée, car ils entendent l'Indien préciser à son complice. Je n'ai pas confiance en cet endroit. Viens, on va enterrer le trésor dans ma cachette, au numéro 2, sous la croix. Tom et Huck sont furieux. Et voilà les malfrats envolés dans la nature, en route vers le fameux numéro 2. Intrigué, Huck demande à Tom. Ce numéro 2, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire à ton avis ? Je n'y comprends rien. Tout est possible. Attends, ce ne serait pas un numéro de chambre d'auberge par hasard ? Ce serait pratique, puisqu'il n'y en a que deux dans tout le village. Tu as peut-être raison, Huck. Je vais me renseigner. On se retrouve au bord du fleuve. Une bonne heure plus tard, Tom retrouve son ami comme prévu et lui lance tout essoufflé. Je crois que j'ai trouvé le numéro 2. Un des deux aubergistes a loué une chambre à un homme qui, paraît-il, vient très rarement et toujours la nuit. Écoute, la porte de derrière de cette auberge donne sur une impasse. Toi, tu feras le guet pendant que j'essaierai d'ouvrir la porte de la chambre. D'accord ? Et si je vois Joe, j'ai peur, moi. Il fera nuit. Comment veux-tu qu'il te reconnaisse ? Peu avant minuit, Tom sort furtivement de chez lui et rejoint Huck à l'auberge. Comme prévu, Huck fait le guet pendant que Tom s'avance vers la chambre de l'étrange locataire. Le silence de la nuit fait frissonner Huck. Pas un chat en vue. Tout à coup, il voit Tom s'amener à toutes jambes. Si tu tiens à ta peau, file d'ici! Tom n'a pas besoin de le dire deux fois. Huck le suit à toute allure. Arrivé à un vieux hangar, Tom s'arrête enfin et explique. C'était affreux, Huck. J'ai heurté le bouton de la porte par mes gardes et la porte s'est ouverte. Elle n'était pas fermée à clé. Je suis entré. Et alors ? Quoi, Tom ? Quoi ? Huck, j'ai failli marcher sur la main de Joe l'Indien. Oh, pas possible. Si, je t'assure. Il dormait par terre, les bras écartés. Je crois qu'il était saoul. Dis-moi, Tom, tu as vu le coffre ? Non, je n'ai vu que des tas de bouteilles. Je comprends pourquoi tout le monde croit que cet endroit est hanté. Il est hanté par le whisky, évidemment. Huck a soudain une idée. Tom, si Joe est ivre, c'est le moment de fouiller sa chambre pour nous emparer du coffre. Oh, sûrement pas. C'est beaucoup trop risqué. Les deux garçons réfléchissent à un nouveau plan. Comment vont-ils réussir à coincer ce satané Joe ? Enfin, Tom propose. Écoute, Huck, en montant la garde toutes les nuits, on finira bien par le voir sortir. Après, ce sera un jeu d'enfant de le suivre. Parfait. Je m'en charge. Et dès que j'ai du nouveau, je file te chercher. En rentrant chez lui, Tom croise son amie Becky. Aussitôt, elle lui propose de pique-niquer avec d'autres amis sur les berges du Mississippi. Le fleuve est si calme à cet endroit qu'elle y vient très souvent avec ses parents. Trop heureux de la revoir, Tom oublie complètement le trésor et l'Indien. Il n'a qu'une envie, être déjà au lendemain après-midi sur le vieux bateau à vapeur, loué pour la circonstance. Juste avant d'embarquer sur le bateau, Tom a une pensée pour Huck. Et s'il avait besoin de lui ? Tom chasse vite cette éventualité. Après tout, quelques heures d'absence, ce n'est pas bien grave. À peine arrivé au bord du fleuve, tous les enfants se mettent à courir dans les bois ou à grimper aux arbres. Puis, après un copieux déjeuner, l'un d'eux s'écrie. Qui m'accompagne à la grotte ? Bien sûr, tout le monde est candidat. En un éclair, les enfants filent en haut de la colline. Mais à peine ont-ils franchi l'entrée de la grotte, qu'un frisson les envahit. C'est glacial et humide, et d'étroites galeries partent de tous les côtés, un vrai labyrinthe. Et puis, ils ont entendu dire qu'on pouvait errer des jours et des nuits parmi ces couloirs sans jamais atteindre le fond de la grotte. Cependant, leur exploration se passe sans encombre et un peu plus tard, ils se retrouvent enfin à l'air libre. Que d'exploits ils vont raconter en rentrant chez eux. À l'auberge, Huck, qui est toujours en train de monter la garde, commence à en avoir assez. Soudain, il entend un bruit. La porte qui donne sur l'impasse s'ouvre et se referme, tout doucement. Huck se cache aussitôt et sent deux silhouettes le frôler. Souple comme un chat, il se faufile dans les rues du village, bien décidé à suivre les bandits, pas à pas. Les deux complices longent le fleuve, puis s'engagent dans un sentier. Tout à coup, l'un d'eux lance à voix basse en montrant une maison au loin. Zut, il y a de la lumière. Elle a de la visite. Attendons qu'elle se couche. Huck, on a le souffle coupé. C'est Joe l'Indien et l'Espagnol qui s'apprêtent encore à faire un mauvais coup. Et cette fois, ils s'en prennent à la veuve Douglas. Huck court à perdre haleine chercher du secours à la première maison. Hélas, quand les hommes appelés en renfort encerclent discrètement les brigands, voilà que l'un d'eux éternue dans un bruit de tonnerre. En un éclair, Joe l'Indien et son complice s'évanouissent dans la nature. Le lendemain matin, Madame Thatcher apprend que Becky n'a pas dormi comme prévu chez une de ses amies. Elle en est folle d'angoisse. C'est alors qu'elle rencontre Tante Polly. Bonjour, Madame Thatcher. Je ne vois pas Tom. Est-ce qu'il aurait passé la nuit chez vous, par hasard ? La mère de Becky est si troublée qu'elle ne peut que secouer la tête pour répondre non. Où sont donc les deux enfants ? L'alerte de la disparition de Tom et Becky est donnée dans tout le village. Personne, en effet, ne se souvient de les avoir aperçus en revenant du bateau. Sans doute, sont-ils encore dans la grotte ? Aussitôt, tous les hommes du village partent à la recherche des deux enfants. Hélas, l'après-midi et la nuit passent sans aucune nouvelle. 3 jours et 3 nuits s'écoulent ainsi dans l'angoisse. À présent, il n'y a guère d'espoir de retrouver les deux enfants. Mais retournons dans la grotte avec Tom et Becky. Ils y sont coincés et n'en mènent vraiment pas large. C'est en jouant à cache-cache avec leurs amis qu'ils se sont aventurés, sans s'en rendre compte, dans le cœur de la grotte. À la lueur de leurs bougies, ils découvrent des salles couvertes de stalactites et des chauves-souris dormant la tête en bas. Soudain, alors qu'ils observent une étrange caverne, Becky fait remarquer « Tom, on n'entend plus aucune voix. » Je pense qu'on a été plus loin que les autres. Mais je ne vois pas de quel côté ils pourraient se trouver. Revenons sur nos pas. Becky commence à avoir peur. Tom ne retrouve plus les points de repère qu'il a dessinés sur les parois. Se voulant rassurant, il lui annonce. Ça va. Ce n'est pas ce couloir-ci, mais le suivant sera le bon. Hélas, à chaque croisement, Tom ne sait plus du tout dans quel sens aller. Il finit par avouer. Becky, je ne retrouve plus mon chemin. Nous nous sommes perdus. Oh, Tom, c'est terrible. Nous ne sortirons jamais vivants de cette horrible grotte. Tom, j'ai tellement faim. T'as toi ? Aussi. Tiens, regarde. Tom fouille dans sa poche et sort un gâteau qui lui reste du pique-nique. Seulement, les heures passent et la bougie diminue. Bientôt, les deux enfants vont se retrouver dans le noir. Ils sont sur le point de s'endormir quand tout à coup, Tom se redresse. Chut ! Tu as entendu ? Les deux enfants retiennent leur souffle pour mieux tendre l'oreille. C'est comme si on criait leur nom, très loin. Tom répond aussitôt en criant de toutes ses forces. « Ohé ! On est là ! Hé oh ! C'est Tom et Becky ! On est là !» Leur joie est indescriptible. Ils s'élancent dans la direction des appels. Tom hurle à nouveau, mais hélas, personne ne répond. Les heures s'écoulent sans rien apporter de nouveau. Soudain, Tom a une idée. Ils vont explorer un à un tous les couloirs. Il sort de sa poche une pelote de ficelle et en fixe un bout à une roche saillante. Déroulant soigneusement la ficelle, il passe en premier. Une bonne vingtaine de pas plus loin, le couloir devient si étroit que Tom propose à son ami. « Surtout, ne bouge pas d'ici. Je vais aller voir en rampant où ça mène. » La main tendue en avant, le jeune garçon reconnaît un virage qu'il avait déjà emprunté. Et voici que derrière un rocher, il aperçoit une main tenant une bougie. Oh ! Tom pousse un cri de joie, mais le possesseur de la main apparaît aussitôt, et c'est Joe l'Indien. Heureusement, celui-ci prend la poudre d'escampette. Il n'a pas dû reconnaître la voix de Tom. Le jeune garçon retourne vers Becky, bien décidé à ne rien lui dire de sa mésaventure pour ne pas l'affoler. Pendant ce temps, au village, tout le monde pleure les enfants disparus. D'ailleurs, la plupart des sauveteurs, convaincus de ne plus les retrouver vivants, ont repris leur travail habituel. Cependant, en pleine nuit, les cloches de l'église se mettent à résonner dans tout le village. Et en un clin d'œil, tout le monde se retrouve dans les rues à crier « On les a retrouvés ! On les a retrouvés ! On les a retrouvés ! Ils sont sauvés ! On les a retrouvés ! On les a retrouvés ! Ils sont sauvés ! » Portés en triomphe jusqu'à la maison des Thatcher, Tom et Becky sont félicités de toutes parts. Pressés de questions, Tom raconte comment ils ont réussi à se sortir de la grotte. Et comme d'habitude, il n'oublie pas de grossir la réalité. Becky et moi, on n'en pouvait plus. C'était un véritable labyrinthe. J'étais tellement épuisée que je décidais de rebrousser chemin quand j'ai cru apercevoir une faible lueur au loin. J'ai voulu m'approcher d'elle en rampant jusqu'à la faille. Et qu'est-ce que j'ai vu ? Le Mississippi, là, il coulait sous mes yeux. Suspendu à ses lèvres, l'auditoire fait comprendre à Tom qu'ils attendent tous la suite. Alors, je suis parti retrouver Becky, mais elle ne voulait pas me croire. Enfin, quand elle a vu le jour à travers la faille, elle a éclaté en sanglots. Puis on est sorti par l'orifice et on est allé s'asseoir sur la berge. Plus tard, un bateau est passé près de nous, on a crié et l'équipage nous a fait monter à bord jusqu'au village. Voilà. Enfin, après avoir passé 3 jours au lit à être choyé par Tante Polly, Tom décide d'aller voir Huck. En chemin, il croise le père de Becky qui lui apprend qu'il a verrouillé la porte de la grotte à double tour et qu'il est le seul à détenir les clés. Blanc comme un linge, Tom est obligé d'avouer. Monsieur Thatcher, il faut que je vous dise, Joe l'Indien se trouve toujours dans la grotte. En moins de 10 minutes, les hommes du village partent pour la grotte. Mais quand Monsieur Thatcher ouvre la porte, ils reculent tous d'effroi. L'Indien est étendu sur le sol, mort. Tom est troublé par l'accident. Mais il se sent aussi très soulagé. Il vient d'apprendre que le corps de l'Espagnol a été retrouvé dans le fleuve. Ainsi, les deux ennemis ne risquent plus de nuire à personne. Huck, lui, est très inquiet. Tom, notre beau rêve s'écroule. Pendant que tu étais coincé dans la grotte, j'ai appris qu'on avait fermé l'auberge où allaient Joe et l'Espagnol. Quelqu'un a sûrement déniché l'argent. Huck, ne t'inquiète pas. L'argent se trouve dans la grotte. Dans la grotte. Les yeux de Huck se mettent subitement à briller. Tu blagues ou quoi? Je n'ai jamais été aussi sérieux, Huck. Tu veux qu'on aille le chercher? Évidemment, tout de suite. Connaissant le chemin, Tom se glisse le premier dans le trou de la grotte, allume une bougie, puis lance fièrement à Huck. Tu vois ce gros rocher là-bas? Mais il y a une croix dessinée dessus. En voyant l'air ébahi de son copain, Tom ajoute. Tu te souviens de ce qu'a dit Joe l'Indien? On le cachera sous la croix au numéro 2. Huck, c'est exactement là! Allons-y! Le cœur battant, les deux aventuriers s'approchent en rampant jusqu'au rocher et commencent à creuser le sol, chacun de leur côté. À peine Tom gratte-t-il le calcaire que sa lame de couteau rencontre du bois. Il s'exclame. Huck, vite, viens voir! J'ai trouvé le coffre! Dans un silence religieux, les deux garçons dégagent le coffre. Et quand ils plongent leurs mains dedans, leur cri de joie réveille instantanément toutes les chauves-souris. Mais les deux amis sont tellement excités qu'ils ne se rendent même pas compte du tintamarre qu'elles font. Nous voilà riches, Tom! Riches! Oh, je le savais! Je le savais que nous trouverions le trésor! Bon, ne traînons pas ici. Heureusement que j'ai emporté des sacs. La nouvelle de la découverte des garçons se répand comme une traînée de poudre dans tout le village. D'ailleurs, on ne parle plus que d'eux dans le journal. Considérant les montagnes de dollars, le père de Becky, en bon avocat, suggère à Tante Polly de placer l'argent de Tom à la banque. Quant à Huck, la veuve Douglas lui propose de l'éduquer. En effet, quand on est riche, on se doit d'avoir de bonnes manières. Et voilà le pauvre Huck lavé, peigné et obligé de manger avec des couverts. Au bout de 3 jours de ce régime, Huck court retrouver Tom. Tom, je n'en peux plus. La veuve est adorable avec moi, mais je ne supporte plus de me coucher à heure fixe, de lire des livres, de faire tout comme il faut. Mais Huck, tout le monde en fait autant. À bout de nerfs, Huck continue. L'école va reprendre, il va falloir que j'y passe. Non, non, non. Tout ce qu'il faut subir quand on est riche. Pff, écoute, Tom. Tu vas t'occuper de mon argent et de temps en temps, tu m'en donneras un peu. Huck, patiente un peu. Tu finiras par l'aimer, cette nouvelle vie. L'aimer? Tu veux rire? Non, Tom. Je n'ai pas envie d'être riche et d'habiter une belle maison. Ce que j'aime, moi, ce sont les bois, les rivières, et jouer aux brigands, aux pirates. Mais Huck, moi aussi je suis riche. Et crois-moi, ça ne va pas m'empêcher de devenir un brigand. Le visage subitement détendu, Huck demande. Comment? Tu crois que c'est possible? Et comment? Sauf qu'il faut être quelqu'un de respectable pour être dans le coup. Les brigands sont des gens distingués. Ça peut être des ducs, des comtes, tu vois? Pour ne pas rater l'occasion, Huck propose tout de suite un marché à Tom. Bon, je retourne chez la veuve. Je vais tenter l'expérience pendant 1 mois, à condition que tu me promettes que je ferai partie de ta bande. Marché conclu, Huck. Je t'accompagne et je vais lui demander de te laisser un peu plus de liberté. Huck est aux anges. Il ajoute. Quand comptes-tu former la bande? Ce soir. Et on procédera à l'initiation. L'initiation? C'est quoi? On jure qu'on ne se quittera jamais. Qu'on ne divulguera nos secrets à personne. Même si on menace de nous couper en 1000 morceaux. Bref, on prête serment à minuit dans le coin le plus désert qu'on puisse trouver. Fou de joie à l'idée de vivre de nouvelles aventures avec Tom, Huck lui promet. Tom, à minuit, je serai le premier arrivé au cimetière pour prêter serment. Je deviendrai célèbre. Et tu verras, la veuve Douglas sera fière de moi. Parole de brigand.